quand t'es dans le love, tu laisses ton frérot, tu toujours le fais. Bla bla bla, fais pas le mec de la caisse. J'fais le son.